Jean Bosco, Douimane. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal, la dernière édition de cette soirée de ce jeudi 25 août 2016. Insécurité dans la commune Moutimbouzi, précisément à Maranvia. Un conflit entre partisans du CNDD, FTD et CDFNL, pro Agathon Rwasa, a conduit à la destruction de maisons. Il y a même eu un blessé. Reportage dès le début de ce journal. Et notre confrère Guy Sastève Irakoze de Radio Bouja FM est libre depuis 11h ce jeudi. Il s'en réjouit et la semaine d'hommage à Jean Bigirimana du groupe de presse Iwachu continue. Et puis nous parlerons également dans ce journal de ce feu qui a éclaté ce mercredi sur la colline Mourilé de la commune et province Muyinga dans une plantation, dans une bananerie appartenant au chef de l'État burundais, Pierre Nkurunziza. Alors que le prix du tic Bujumbura Kampala est monté de 35 000 francs burundais à 50 000 francs burundais, cela est dû au changement de l'itinéraire suivi. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir. Des habitants de la 13e transversale Maranvia, en commune Moutimbouzi de la province Bujumbura, ont détruit certaines maisons des voisins. Un petit marché se trouvant sur le lieu a lui aussi été brûlé. Cela après que le représentant de la Ligue des Jeunes, Imbonerakure, du CNDD-FDD, ait été blessé par grenade qui lui a été lancée par quelqu'un qui s'est enfui juste après. Le chef collinaire à la 13e transversale Maranvia, Christine Maregeya, parle d'un conflit entre les partisans du CNDD-FDD et ceux du FNL pro Agathon Rwasa. Didier Nyonzima. L'homme blessé par grenade est un certain Ferdinand, représentant de la Ligue des Jeunes Imbonerakure du CNDD-FDD à la 13e transversale Maranvia. C'est lui qui l'a lancé à pris le large, comme l'affirment les sources sur place. Juste après, des petites maisons ont été saccagées, un petit marché de la localité brûlé, le petit bétail dont les chèvres et les poules volées, etc. Le chef de colline Maranvia 13e transversale affirme que les maisons saccagées appartiennent aux membres de la coalition Amizeroya Barundi, dirigée par Agathon Rwasa, et dont lui aussi fait partie. Il a par ailleurs été victime car les fenêtres de sa maison ont été cassées. Il a dit passer la nuit de ce mercredi près de forces de l'ordre. Pourtant, Christophe Maregeya dit qu'il est neutre dans sa gouvernance. Je vous ai dit qu'après avoir été élu pour être chef de colline, je dois soutenir la vérité. Et moi qui suis chef de colline, je suis partisan du parti FNL dirigé par honorable Agathon Rwasa dans la coalition Miseroya Barundi. Tous les voisins, y compris ces jeunes Imbonerakure, savent que je suis partisan d'Agathon Rwasa. Ceux qui n'ont pas les mêmes idées politiques vivaient en harmonie, partageaient tout, excepté cet incident qui s'est passé. Le chef collinaire de la 13e avenue Marandia estime que les habitants devraient bien cohabiter dans leurs divergences d'opinions politiques. Il renchérit qu'il en parle souvent avec le chef de zone. Nous nous concertons souvent en ce qui concerne la consolidation d'une bonne cohabitation, en essayant de voir comment gérer les conflits comme les gens qui souhaitent le développement de notre colline. Je pense qu'ici chez nous, nous devons nous asseoir pour dialoguer afin de consolider la paix sur notre colline en tant que Burundais. Une vingtaine de membres du FNL pro Agathon Rwasa ont passé la nuit de son mercredi à jeudi au centre de santé Maranvia, en vue de les protéger, comme l'indiquent des sources sur place qui se sont confiées à Isanganiro. Merci Didier. Un jeune de 27 ans, connu sous le nom de Samuel Nizigi Yukwayo, qui travaillait auprès du Bata au centre-ville de la mairie de Bujumbura, s'est suicidé ce mercredi avec une rame rasoir à cause de l'injustice lui infligée par des policiers qui se trouvent sur la position de l'ancien marché Sojemak, Evrard Havzariman. C'est lui qui s'est suicidé en utilisant une rasoir et connu sous le nom de Nizigi Kwayo Samuel, connu sous le sobriquet de Sayai, âgé de 27 ans de la colline Gisuru, commune Gitega en province de Gitega. Il s'est suicidé en pleine journée à cause du menace et de l'injustice de certains policiers qui travaillent sur la position de l'ancien marché Sojemak, comme le témoigne son vendeur de téléphone. Ce qui s'est passé, le policier l'a trié parmi un groupe d'autres personnes et a dit que chaque fois fois qu'il le verra, il l'emprisonnera. Il lui a demandé pardon, mais en vain. Arrivé au parking, il a été emporté par une colère, disant qu'il aime l'amener plusieurs fois l'emprisonner. Et il a refusé d'être arrêté, justifiant que les autres aussi sont libres. Hier, il l'a encore arrêté. C'est la source de ce phénomène, en fait, qu'il est arrêté plusieurs fois. C'est ainsi qu'il a en fait pris un rasoir et s'est suicidé. Ce policier qu'il a arrêté, prénommé Aloïse, est encore en liberté. Aloïse avait ordonné que chaque fois qu'il le verra, il l'emprisonnera. Nous demandons qu'on change ces policiers pour qu'on ait la paix. Même indignation dans la famille du défunt. Sa sœur se demande pourquoi certains policiers malmènent quelqu'un qui cherche comment vivre et conseille ces derniers d'abandonner cette attitude. Ceux qui étaient tout près du lieu où s'est produit l'incident m'ont expliqué comment ça s'est passé. Vraiment, c'est malheureux que ces agents de la police malmènent ces gens qui travaillent. Ils étaient en train de chercher les aides pour voir comment l'enterrer. Je lance un appel alarmant à tous ceux qui nous entendent de nous aider. D'après d'autres sources, j'ai entendu qu'un agent de police avait dit à la victime que partout où il la verra, il la fera emprisonner. Le vendeur qui opère à cet endroit communément appelé Bata demande aux responsables et policiers de punir conformément à la loi aux policiers de l'ancien marché Sogemak qui les malmènent. Evra Havdialimana, stagiaire à notre station, par rapport à ce suicide de Samuel Nizigi Okwayo, le porte-parole de la police, Pierre Mourikiye, fait savoir que ce jeune garçon n'était pas en train d'être rançonné par un policier et qu'il s'observe un phénomène nouveau parmi ces délinquants qui consiste à s'automutiler au moment des arrestations, ce qui a conduit malheureusement à la mort de ce jeune homme. Et le nommé Zachary Simaruhige, habitant le quartier Gasekewuye de la zone Moussaga, a succombé à ses blessures ce mercredi. Il a été battu avec ses trois voisins par des hommes qui ont fait irruption dans leur ménage et ont commencé à les battre. Ces mêmes gens ont détruit les vitres d'une maison érigée à cet endroit. Le chef de zone Moussaga dit qu'ils sont à la recherche des auteurs de ce forfait. Reportage de Karine Boutoy. Cette personne succombée était un tailleur connu sous le nom de Zachary Simbaruhiji. Il est battu par des personnes non encore identifiées qui ont fait irruption dans son domicile. Suivez-le de ses voisins. Il y a eu un accident la nuit de samedi où trois personnes ont été battues par des personnes non encore connues. Dimanche matin, nous les avons emmenées à l'hôpital étant aux deux. Nous avons contribué pour que ces personnes soient transportées à l'hôpital. Arrivés là, ils ont été soignés par les Médecins sans frontières. L'un d'eux était blessé à la tête et les deux autres ont des blessures au niveau du visage. Ils sont allés à l'hôpital communément appelé chez David où ils ont eu des traitements radiographiques. Hier, un parmi eux est mort étant à l'hôpital. Marius Nguzimana, l'une des personnes qui ont été battues avec ce dernier, explique qu'ils ont été battus par des personnes non encore connues au moment où il rentrait chez lui. Interrogé sur la question de savoir ces malfaiteurs, il dit qu'il ne connaît pas leur identification, qu'ils étaient tout simplement au nombre de 5. Je n'ai pas reconnu ces gens. Je venais tout simplement de déposer mon véhicule à Gasekebouye. Ils m'ont battu et j'ai perdu connaissance. Ils m'ont donné des coups de pied et ils sont partis. Ils étaient habillés de culottes, de pantalons et de chaussures. Ils étaient environ au nombre de 5. Quand j'ai retrouvé l'esprit, je suis allé à la maison. Antoine Rumenyeso, chef de zone Moussaga, explique qu'il est au courant de ces cas de criminalité, mais qu'il lui aussi ne connaît pas ces malfaiteurs. Il affirme que des enquêtes vont commencer et demande à la population de la zone Moussaga d'intervenir à temps afin de secourir les personnes attaquées. Endurance est un appel très vibrant à la population de la zone Moussaga. Plus particulièrement celle du quartier Gasekebouye. Venir, même si on n'a pas des armes, une arme qui est plus performante, c'est surtout la vigilance, voire identifier le fauteur de trouble. La population de cette localité demande que l'administration s'investisse afin que leur sécurité ne soit pas perturbée. Merci Karine Boutoy. Et le parti Uprona, reconnu par le ministère de l'Intérieur, regrette la mort de Jean-Baptiste Manwangari, militant de ce parti, dont on dit qu'il était caractérisé par un esprit d'unité et de justice pour tous. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, Le nouveau président de ce parti rappelle que Feumann Wangari a marqué l'histoire du Burundi par ses contributions dans les différents gouvernements. Face à cette mort inopinée, le vice-président de l'UPRONA, non reconnu par les institutions, indique que le Burundi vient de perdre un homme de grande cause et tous présentent leurs condoléances à la famille du disparu et à toute la nation entière. Dans la suite de ce journal, je vous l'avais dit, notre confrère Guissa Stevira-Cosé de Radio Bouja FM est libre depuis 7 avant midi. Il a quitté les cachots du service national de renseignement vers 11h ce jeudi. Et il s'en réjouit. Je suis vraiment content de retrouver ma famille, de retrouver le soleil. Grosso modo, je suis vraiment content de sortir de cet endroit-là. Ce n'est pas une liberté provisoire, j'ai été relâché. Je crois que le dossier a été classé après avoir fait beaucoup d'investigations ailleurs. Je crois que leur travail a abouti justement à me libérer. J'essaie de se rétablir un tout petit peu, et comme ça, après quelques jours, je crois que je vais retourner à l'antenne de la radio où je travaille. De, comme d'habitude, de reprendre toutes mes activités. Normalement, je crois que ça va aller. C'était notre confrère Guissa Steve Irakoze, je le disais, libre depuis 11h ce jeudi. Malheureusement, on est sans nouvelles de notre confrère Jean Bigirimana du groupe de presse Iwachu. Et le journal Iwachu a sorti ce jeudi une plaque de photos en mémoire de notre confrère disparu à Muramvya depuis le 22 juillet. Le rédacteur en chef du journal Iwachu fait savoir qu'ils vont déposer en justice une plainte contre X. Ils vont ensuite sortir un numéro gratuit dédié à Jean Bigirimana. Suivez Léandre Sikuyavuga, il demande aux journalistes de ne pas perdre courage. Le dépôt de la plaque Jean Bigirimana, donc c'est pour rendre hommage à notre confrère, pour dire qu'il reste présent parmi nous et que personne n'a le droit de l'oublier. Aujourd'hui même, on va saisir la justice. On va déposer une plainte contre X. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas qui l'a enlevé et où il est. C'est à partir du moment que l'on saura où se trouve qu'il a pris et ou bien qu'il le détient, que là, on va dire maintenant, on pose une plainte contre l'un de cette personne. Bon, le message, pas seulement pour les collègues de Jean, mais c'est pour tous les journalistes burundais. Gardez courage, gardez espoir. Ne perdez pas votre courage. Soyez tout simplement professionnels. Respectez l'éthique et la déontologie du journalisme. Alors, vous savez que notre confrère Jean a disparu le 22 juillet. Un mois après, le 22 août, nous avons jugé bon de commencer une semaine d'hommage à notre collègue. Comme activité, d'abord, nous avons fait un blackout sur notre site. Le site qui est en quotidien, le site qui a la web TV, le site qui émet différentes informations variées par jour. Et puis, cette semaine, l'hebdo qui va sortir demain sera exclusivement consacré à Jean Bigirimana. Et il sera distribué gratuitement pour que le grand public soit au courant, sache qui est Jean et sache ce qu'il a fait et sache notre appel aux organes habilités pour que la vérité éclate. Léandre Sikuyavuga, c'est le rédacteur en chef du journal Iwatch. L'avenir. 50 filles sont dans les cachots de l'école nationale de police ENAPO depuis une semaine. Elles sont accusées d'être des prostituées. Ces arrestations ont été faites dans les quartiers de Kanyosha et de Kamenge. Ces filles ne reconnaissent pas cette infraction et disent qu'elles ont été arrêtées à leur domicile, ce qui est démenti par le porte-parole de la police, Pierre Murikiye. Alida Naikeza. 50 filles ont été arrêtées au cours de cette semaine dans les quartiers de Kanyosha et Kamenge. Elles ont été accusées par la police d'être des prostituées, ce qui est démenti par ces filles. L'une d'elles fait savoir qu'on leur a obligé d'ouvrir les portes très tôt le matin. On a toqué à la maison 5 heures du matin. On m'a demandé si je couchais avec un homme et j'ai répondu que je suis avec mon fils. Et on m'a dit de sortir pour une réunion. Arrivé à la commune Kanyosha, on a vu des véhicules policiers et on nous a obligés de monter dans ces dernières. Nous leur avons demandé là où ils nous amènent. Ils nous ont répondu qu'ils vont nous montrer la destination après. Maintenant, nous sommes emprisonnés à l'ENAPO et les les enfants souffrent de la diarrhée et ils leur ont donné des choux à mâcher. La police confirme que ces filles sont des prostituées puisqu'elles ont été arrêtées en pleine rue en train de faire le racolage, selon Pierre Mourikiye, porte-parole de la police. Les enquêteurs de la police sont capables d'identifier en prostituée de celui qui ne l'est. Ils sont capables d'identifier celle qui fait le racolage et celle qui ne le fait pas à travers son comportement. Mais il y en a qui ont dit que vous les avez ramassées dans leur maison. Ça, ce sont des mensonges parce que le racolage ne se fait pas à l'intérieur d'une maison de quelqu'un. Non. Elles ont été appréhendées dans la rue. La police a montré quelques-uns des 93 personnes qui ont été arrêtées en centre-ville de Bujumbura, accusées d'être des mendiants. À côté d'eux, trois femmes voulant joindre Oman ont été appréhendées. Merci, Alid. Du feu a éclaté ce mercredi sur la colline Mourire de la commune et province Muyinga dans une plantation de bananeraies et ananas appartenant au chef de l'État burundais, Pierre Nkurunziza. Le chef de la colline Mourire, Eric Tenimbere, fait savoir qu'on ne connaît pas encore l'origine de ce feu. C'était mercredi de la semaine dernière, vers 15h, quand nous avons vu survenir le feu aux aguets du terrain de football à Gikuiye sur la colline Kavumu. Pour le moment, je suis en train de parler en tant que chef collinaire Mourire, tout près de l'espace du président de la République. Ce feu a endommagé alors l'espace qui servait de source de fougères pour le troupeau du chef de l'État. Nous avons mobilisé la population pour essayer d'éteindre ce feu, mais sans succès, et les militaires place ont vite intervenu. Plusieurs objets sont partis en fumée, voire même une partie des infrastructures d'une position militaire sur place. Suite à ce feu, certains engins militaires ont dégoupillé. De nouveau, ce mercredi alors, vers 10h, le feu est encore réapparu. Il proviendrait peut-être des souches d'ananas qui se trouvent dans l'espace dernièrement brûlé. Une partie d'un char d'ananas non cerclé a été endommagée. Quand au coup de feu entend. Et le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique demande au directeur des écoles de ne plus obliger les parents de payer les contributions pour l'achat du matériel scolaire. Jean-Vierne Dirahisha, ministre de l'Éducation, l'a dit lors d'une conférence de presse ce mercredi. Elle demande également aux directeurs qui ont déjà perçu ces montants de les rembourser parce que le gouvernement a déjà proclamé la gratuité des frais scolaires. La ministre Jean-Vierne rappelle aux directeurs d'établissements privés de ne pas accueillir les élèves n'ayant pas obtenu les notes fixé pour avancer de cycle. Et les prix du ticket Bujumbura Kampala en Ouganda ont monté allant de 35 000 francs burundais jusqu'à 50 000 francs bout du fait du changement de l'itinéraire suivi car actuellement pour aller en Ouganda les commerçants sont obligés de contourner par la Tanzanie alors qu'auparavant ils passaient par le Rwanda. Enfin, pour boucler ce journal, après avoir remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio au Brésil, l'athlète burundaise Francine Niyonsaba fait savoir que c'est un honneur pour elle et pour le pays, affirmant qu'elle a réalisé son rêve. Quant au meeting de Diamond League de Lausanne en Suisse ce jeudi 25 août 2016, Francine Niyonsaba espère bien se comporter malgré la fatigue et on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana et Nadia Sabimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana, nous vous souhaitons de passer une bonne soirée à l'écoute de nos programmes.